PL, le cerveau de ta moi nan koe a zan koe. Amour is a drogue, oh yo. A tous a drogue, te yo comme lango kaka. Ricky Kabambi de Big Manage Bans, Bans Yota Fek Yasolo BG Manda Kouvo Mamouna Mercoutou Salon de Yalolana Bruxelles Yellow na langwe mbolingongo Nicolas Onyente Feuille de laurier Théo Célérité Zanay Tsunga l'amour Yéléo Yéléo Nalamwe Tama Tétéo Célérité Zanay Sosa l'amour Ingénieur Sandis Jazz Kebano, Dieu merci Mbokani à Marlène en Tessa. Elle est gnome na yo kaka na bolingo non. So ki ba pesi kouswa combina son téléphone. Ito koza nango cerveau, je t'assure. So ki ba pesi poukou ba nyangwa ko krake liya. Un koukou koukou koukou koukou koukou. Chari koukou Jean-Pierre. Aba hangou cerveau. Le capitaine Youssouf Moulumbu Cédric Bakam Hervé Bamana Duce Kapama Matin Pivoumile Diambate Zande Droga l'amour Olivier Itela, René Labbé. Nakangami, na mota mwamu. Ola na yoga passion, na zoyo kelenyo. Naomi Aishot. Bazo petangai, na fimwa l'amour. Ola na lela passion, na zole lelenyo. Ya zervo liyahu. Bebe kuku kuku kuku kuku kuku. Papa hangu. Belge, Belé, Citron. Tete naïkou. Papi mamangu, ya nati la kalele kale mangu, ya wili kaiyembe. Le grand charisme pour la mukendi. Bokulo kala bokuli gu. Ala busi sango mayale. Oh de te mongambe, maman na Patrick Domingo, mami triple M, Mina Kongo. Elengo na yo kaka na bolingo non. Toki ba pesi kuswa komina son telephone. Kito koza tango si mombi disi kash Toki ba pesi pungu banyong bako krake ye Papa kuku kuku kuku kuku Chizala fui kuku Kuku Jean-Pierre Chani kito koku Kuku Zero Mati mbapi kuku Kuku Jean-Pierre Chanele lobo kuku Zero Sonia Ninga Merveille Lukau Joy Star Tony Coco Cynthia Kapash Mami Lela Aïcha en coco Nana Bouduga Sébastien Kungwati C'est oui Y'a maman Lili Kazimula $20,000 c'est quoi Soleil Nganziama Y'a mère Jeannette Lomboto Eva Tumba Justin Wela Eva Lamonsa